Selon le décret du Présidium de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée, Kim Chang-ryo est nommé ambassadeur coréen en Afrique du Sud.